Les keufs n'est tout en bas de chez moi. Déchiré, je marche avec mon peignoir. Tout ça s'est fait péter, vient de prendre 6 mois. Pour qu'on oblige à charbonner dur comme des chinois. Gothique, le Glock est tout noir. Tout noir, j'avance comme un sournois. Quand tu lui fais l'amour, elle pense à moi. Elle n'a pas oublié ce qu'elle a pu voir dans la mort. Hey, j'ai 2-3 kilos de thé, c'est très bonne qualité. Et tu arraches des sacs, c'est la gratuité. Parle-moi pas d'oseille, t'es qu'un gros mytho. Je te vois tous les jours en bas chez moi. En 2 minutes, je peux prendre tout l'argent que tu fais dans le mois. Hey, que des yébis en mémoire. Mémoire, y'aura rien entre toi et moi. Je reste des pompes en bas de chez moi. Les keufs tournent en bas de chez moi. Ça bibi dans le bâtiment. Roue arrière à la Baltimore. Je suis des pompes en bas de chez moi. Les keufs tournent en bas de chez moi. Ça bibi dans le bâtiment. Roue arrière à la Baltimore. Je suis des pompes en bas de chez moi. Les clients défilent dans nos bâtiments. T'es venu pécho là, c'est pourquoi tu mens. Bitch, veux pas déclarer mes sentiments. Tu vas fermer ta gueule et tu vas sucer gentiment. C'est la guerre dans mon continent. Y'a zéro sur mon pécule, j'ai pas cantiné. Fais des jumeaux à une blonde, y'a 2 conquinesses. Elle t'a fait les yeux doux, la salope, elle a coquiné. J'suis dans le Merco Benz, le toit décapoté. Si je viens dans ton quartier, ça sera pas pour papoter. Des mignons avec des sables, je les appelle les chapeautés. Squadra à sa bang, tes projets sont sabotés. Hey, t'as fait le million d'euros, tu mens. Tu dois mon monter dans ton continent. Lundi sur la prod, va pas gentiment. Y'a que pour mes billets que j'ai des sentiments. La proc à la barre n'a pas de sentiment. J'parle avec toi, mais je sens que tu mens. L'ange de la mort réclame ton châtiment. Les bons comptes ne font pas de règlement. Pilon rame, tout dans le cellophane. Kilogramme, ça tire pour 1 gramme. Tire un rail, et ça vire au drame. Casque à rail, arme, et ça part en drive. Les keufs tournent en bas de chez moi. Ça bibi dans le bâtiment. Roue arrière à la Baltimore. J'suis Zepo en bas de chez moi. Les keufs tournent en bas de chez moi. Ça bibi dans le bâtiment. Des dealers, demande à qui c'est qu'au dealer. Passe à péter sur le dilemme. Soyez brûlés sur mes binômes. Pour que tout le soir je dîne. J'suis tous les matins comme un bonhomme. J'suis pas un bonhomme de neige. J'suis une neige de bonhomme. On a les armes, ils sont beaucoup. Drive avec Chichu, on est ganté. Dans les charbons, on est dans tout. En bas de chez moi, mec, c'est hanté. Je vais faire tomber mes boulettes, mec, si je bande. J'me sens seul, même parfois quand je marche en bande. Qu'elle me félicite, qu'elle me félicite. L'aveugle ne voit pas quand le muet lui fait des signes. J'suis sur tout terrain, j'en attaque en dev aussi. Toi tu cates en boîte, l'homme demande en déficit. J'ai toujours mon âme, même en bas de chez moi. J'ai beaucoup d'ennemis, même en bas de chez moi. Les gens portent la rina, même en bas de chez moi. Les keufs me traquent, même en bas de chez moi. En bas de chez moi, en bas de chez moi. En bas de chez moi, en bas de chez moi.